des fleurs, voilà, oui, c'est aussi bien. Et donc, on va vous mettre par groupe de 5 ou de 6. D'accord. Les autres, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez vous promener avec les instituteurs, nous le ferons. Un groupe va commencer à travailler sur les photos. Ça va vous servir pour discuter en classe de ce que vous avez vécu. Alors, vous savez que nous sommes en automne. Oui. Et les plantes, qu'est-ce qu'elles deviennent alors? Fanées. Elles se fanent. Les feuilles tombent. Elles attendent l'hiver. Et est-ce qu'une plante continue à vivre en hiver? Ben non, mais après ça recouche, je crois. Après que le pouvoir atteint qu'il arrive, bah, ça repousse. Voilà, c'est ça. Pendant l'hiver, c'est les racines qui poussent, qui préparent l'année à venir, le printemps. D'accord? Donc, toutes les plantes travaillent, y compris en hiver. Elles font des racines en hiver, elles font des feuilles et des fleurs en été. Des semences aussi pour se reproduire. D'accord? Voilà.